J'aimerais vous dire deux, trois mots sur une femme noire de peau. Elle vous prendra compagnon dans ses bras. Sans façon, quand elle cuisine, on dit je l'aime. Ta bonne cuisine, ton thiboudienne, c'est succulent, c'est délicieux. On la remercie comme on peut. Et sans rien dire, juste avec son joli sourire, elle vous répond. Filles maquillées, jeunes et belles, allez vous rhabiller pour celle à qui je rends ici hommage, puisqu'elle ne fera jamais son âge. Son cœur est grand, il est profond, c'est un diamant, murmure-t-on. Ses prières musulmanes, allez savoir ce qu'elle trame. D'aucuns diront elle prie le mal. Cette sorcière du Sénégal, en vérité, ses oraisons, moi je le sais, c'est que du bon. Sans jamais trouver le temps long, je ne la connaissais que de nom. Mais un beau jour, elle est venue. Un beau jour chez moi, je l'ai vue. Sans me commander, dans mon salon, elle m'a demandé cette chanson. Cette chanson.